بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نبدأ donc on commence maintenant le cours 110 dans l'explication du livre قرة عيون الموحدين qui est un شرح de كتاب التوحيد le شرح du شيخ عبد الرحمن بن حسن avec les commentaires de شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Donc au dernier cours on s'est arrêté à un endroit où le cheikh expliquait les règles qui ont rapport avec al-nazr, parce qu'on est dans le chapitre sur babun min ash-shirk an-nazru li ghayrillah. Donc le fait de faire un vœu de piété, hein, un vœu pieux pour Allah Azza wa Jal, donc si on le fait pour autre que Allah, c'est du shirk, et donc on a expliqué ça. Il dit نعم فالنذر لأولئك السندة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسندة الصلبان والمجاورين عندها. Donc ça c'était la fin d'une citation de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui expliquait que le fait de faire des vœux pieux pour les gens qui s'occupent des sanctuaires dans lesquels il y a les tombeaux des hommes pieux, ça ressemble à justement ceux qui font yani, des vœux pieux pour la croix et qui yani, qui font des vœux pour ceux qui s'occupent des sanctuaires des chrétiens. Donc c'est une imitation des kuffars yani, hein? Et donc Cheikh il dit ce genre de vœux pieux c'est quelque chose qui est péché. Et le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan il continue, il dit wa dhalika li anna an-nadhir lillahi wahdahu قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله فالعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب نعم فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد أثبتت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله وعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فكل شرك يقع أو قد وقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. Donc on va expliquer jusqu'ici. Ici le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan il explique, il dit que celui qui fait un vœu pieux pour Allah Azza wa Jal lui seul, eh bien ça veut dire qu'il a attaché son aspiration à Allah Azza wa Jal lui seul. Hein? Donc il ne désire que Allah Azza wa Jal et que ce qui est entre les mains d'Allah. Et la raison de ça, c'est parce qu'il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui décide tout. Ce que Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et il sait également, et il est convaincu que yani, personne ne peut empêcher ce que Allah donne, et personne ne peut donner ce qu'il a empêché. Donc ça c'est le tawhid. Hein, ça c'est le tawhid dans l'objectif, et c'est un tawhid dans l'adoration, hein? Et Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire ici, il dit tawhid al-qasd huwa tawhid al-niyyati takunu khalisatan li wajhi Allah wa hadha huwa tawhid al-ibadati wa tawhid al-uluhiyya. Donc il explique que quand on dit tawhid al-qasd, c'est-à-dire d'unifier notre intention et notre objectif. Il faut donc que notre objectif et notre intention, lorsqu'on adore, soit Allah Azza wa Jal et son visage, hein, et que notre adoration soit pure et sincère uniquement pour lui. Et c'est ça le tawhid de l'adoration. Hein? Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, et c'est pour ça que, yani, lorsqu'on sait que, par exemple, quand on fait un vœu pieux, hein, et qu'on demande quelque chose à Allah Azza wa Jal, en faisant un vœu pour Allah, eh bien ça implique qu'on doit obligatoirement respecter notre vœu dans ce qu'on a pris avec Allah Azza wa Jal comme vœu et ce qu'on s'est imposé de faire pour Allah Azza wa Jal par obéissance pour Allah Azza wa Jal. Et si il dit l'adoration, si elle est offerte à autre que Allah, ça devient du shirk avec Allah. Parce que ça veut dire qu'on se tourne vers autre que lui dans ce qu'on désire et dans ce dans quoi on aspire et dans ce qu'on craint. Donc on a établi à ce moment-là, en offrant l'adoration à autre que Allah, un partenaire avec Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et donc, ça veut dire que si on agit de cette manière, on a affirmé ce que le témoignage de la ilaha illallah est venu nier, c'est-à-dire l'adoration d'autre que Allah. Et en même temps, on a affirmé ce yani, on n'a pas affirmé plutôt ce que le témoignage de la ilaha illallah a affirmé de l'exclusivité et de la pureté de l'adoration pour Allah seul. Donc le cheikh Al-Fawzan fait un commentaire ici. Il dit, لأن الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال في آخر الباب وشرح هذه الترجمة وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني فهذا من أبواب من الأبواب التي تشرح لا إله إلا الله وهو أن من معنى لا إله إلا الله أن لا ينظر إلا لله ومن نظر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله. Donc le cheikh ici il fait allusion au dernier chapitre, parmi les cinq premiers chapitres du livre de Kitab al-Tawhid. Et le cinquième chapitre, c'est le titre du cinquième chapitre. Est-ce que c'est le cinquième ou le sixième? Oui, le sixième chapitre plutôt. C'est Babu Tafsir al-Tawhid, Shahadatu an la ilaha illallah. Donc c'est le sixième chapitre. Et donc le cheikh il est en train d'expliquer que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué dans le chapitre 6 la signification de la ilaha illallah. À la fin de son chapitre, il a dit l'explication de sa signification, c'est-à-dire la signification de la ilaha illallah, va être expliquée dans le reste des chapitres qui suivent. En voulant dire que jusqu'à la fin du livre de Kitab al-Tawhid, après le chapitre 6, tous les autres chapitres qui arrivent jusqu'à la fin de Kitab al-Tawhid sont des chapitres qui expliquent la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire, qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce qui est en opposition avec le tawhid. Et donc ici, le cheikh, il explique ça. Il dit, dans le dernier chapitre, il a dit, ce chapitre, hein, ou ce titre, et tout ce qui suit, c'est l'explication de ce chapitre-là. Et donc, c'est pour dire que le chapitre qu'on est en train d'expliquer maintenant, qui est le fait que, yani, si quelqu'un fait un nadr, un vœu pieux pour autre que Allah Azza wa Jal, ça rentre dans le shirk, eh bien, ça nous explique et ça nous aide à comprendre la signification de la ilaha illallah. Parce que la signification de la ilaha illallah implique qu'on ne doit pas faire de vœux pieux pour autre que Allah, ou à autre que Allah. Et donc, celui qui fait un nadr pour autre que Allah Azza wa Jal ou à autre que Allah Azza wa Jal, alors il a affirmé ce que le témoignage de la ilaha illallah est venu nier. Hein? Et il a nié ce que le témoignage affirme. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue et il dit donc, que tous les chapitres qui ont été mentionnés par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, tous ces chapitres qui viennent après le sixième, comme on a dit, hein, eh bien, ça nous explique yani, la signification du témoignage de la ilaha illallah. Et ça nous prouve que celui qui fait du shirk avec Allah Azza wa Jal en associant ou en adorant autre que Allah Azza wa Jal par son objectif, par son intention et par sa requête, eh bien, il a contredit ce que le témoignage de la ilaha illallah est venu nier et il a inversé ce qui est établi par le témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire, il fait le contraire de ce que la ilaha illallah nous demande. Puisque le tawhid et le témoignage de la ilaha illallah nous ordonne de rendre notre adoration exclusive et pure à Allah et de n'adorer que lui et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est ce qui est affirmé et ce qui est nié. Et celui qui fait des vœux pour autre que Allah ou qui fait une adoration quelconque et qui l'offre à autre que Allah, il a affirmé ce que la ilaha illallah a nié et il a nié ce que la ilaha illallah a affirmé du tawhid. Et c'est pour ça que la signification, hein, il dit c'est ça la signification de la parole de notre cheikh, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il dit à la fin du chapitre 6, yani l'explication de ce titre ou de ce chapitre, yani c'est tout ce qui suit parmi les chapitres suivants. Donc, c'est-à-dire que le tawhid et sa signification, et la ilaha illallah, va être clarifié avec tous les chapitres qui suivent dans la suite du livre de Kitab al-Tawhid. Et Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il fait un commentaire ici. Il dit, « Kama sabaqa fi babi tafsir al-Tawhid min shahadati an la ilaha illallah, qala fi khatimati al-bab, wa sharhu hadhi al-tarjama » ما بعدها من الأبواب كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا لأن كثيرا من الناس لا يفهمون معنى لا إله إلا الله يظنون أن مجرد قول يعني يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلبه لذلك يشركون ويعبدون غير الله ولا يذبحون للقبور والأضرحة والأصنام وهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم هنا ممكن الشيخ يقصد العكس يعني الذي ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلبه لذلك يشركون ويعبدون غير الله ويذبحون هنا مكتوب ولا يذبحون للقبور يعني أنا أظن أن المقصود هنا والصحيح هو أنهم يذبحون للقبور ولا ضرحة ولا أصنام وهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله يحسبون كلام يحسبونه كلام يقال باللسان فقط أي نعم إذا كان هنا بلا النافية يكون عكس المعنى ويخالف يعني المقصود هنا فلعل هذا خطأ في يعني من المطبع فهذا هو الصحيح يعني عدم وجود النفي هنا donc ici le cheikh il explique que Cheikh Al-Fawzan, il explique donc la signification de ce que le Cheikh a dit ici, Cheikh Abdurrahman. Il dit qu'on a expliqué déjà que dans le chapitre 6, le tafsir, la signification du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, à la fin du chapitre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit l'explication de ce titre ou de ce chapitre viendra dans tous les chapitres qui suivent. C'est-à-dire que tout ce qui suit après le chapitre 6 dans Kitab al-Tawhid, c'est une explication de la ilaha illallah. Soit à dans le sens d'affirmer la signification de la ilaha illallah ou de nier ce qui contredit la ilaha illallah. D'accord? Et il dit qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui disent ils ne comprennent pas la signification réelle de la ilaha illallah. Et donc, ils disent « La ilaha illallah » en pensant que c'est seulement une parole qu'on dit avec la langue. et ils ne comprennent pas ce que cette parole indique et ce qu'elle vient établir et ce qu'elle demande et ce qu'elle exige de la part de celui qui la prononce. Et c'est pour cette raison-là que ces gens-là font du shirk avec Allah Azza wa Jal et qu'ils adorent d'autres que Allah et qu'ils adorent, ils font des sacrifices pour les tombes, les tombeaux et les idoles et les hommes pieux ou les morts. Et ils disent la ilaha illallah malgré tout. Ils pensent qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'ils font et le fait de dire la ilaha illallah parce qu'ils n'ont pas compris la réelle signification de la ilaha illallah. Ils pensent que c'est seulement une parole que tu prononces avec la langue seulement. Et ça, c'est une grave erreur. Et le cheikh, il explique également, il dit, donc toute forme de shirk, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, toute forme de shirk qui se produit ou qui s'est produit dans le passé, alors c'est une négation de ce que signifie le témoignage et la parole de pureté, c'est-à-dire la parole de la ilaha illallah, et c'est une négation de ce que le tawhid implique. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente ici, il dit « Kullu shirkin wa laysa faqat al-dhabhu li ghayrillah bal kullu shirk fa innahu yunafi ma'na la ilaha illallah li'anna la ilaha illallah athbatat al-tawhid wa nafat al-shirk bi jami'i anwa'ih athbatat jami' anwa' العبادات لله ونفت جميع انواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى وهذه كلمة عظيمة ولذلك تسمى كلمة الإخلاص وتسمى العروة الوثقى وتسمى كلمة التوحيد وتسمى كلمة التقوى فقوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها هي لا إله إلا الله وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله تحتاج إلى معرفة وعلم وفقه بمدلولها ليست مجرد لفظ باللسان ليست مجرد لفظ باللسان يقال من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولو كان يعبد القبور ويعبد الأضرحة هذا ليس بمسلم ولا تنفعه لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولو كان يعبد القبور ويعبد الأضرحة هذا ليس بمسلم ولا تنفعه لا إله إلا الله donc ici le cheikh il explique que toute forme de shirk que quelqu'un va faire ou va commettre est impliquée ici c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de faire un sacrifice pour autre que Allah Azza wa Jal qui est shirk, mais toutes les différentes adorations qui sont offertes à autre que Allah Azza wa Jal rentrent dans le shirk. Parce que c'est une négation de la signification du témoignage de la ilaha illallah. Et on sait que la ilaha illallah signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal. Et parce que la ilaha illallah elle affirme, c'est une parole qui affirme l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui nie le shirk, et c'est-à-dire le fait de donner des associés ou des partenaires à Allah Azza wa Jal dans toutes les différentes formes et les différentes sortes d'adoration. Et donc, yani, la ilaha illallah, le témoignage de la ilaha illallah, affirme toutes les formes d'adoration à Allah seul et nie toutes les formes de shirk qui sont faites avec Allah Azza wa Jal. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh dit c'est une parole extrêmement importante et extrêmement grande et c'est pour ça qu'on l'appelle par différents noms. Et le cheikh il explique, il dit on l'appelle la parole de l'ikhlas. La parole de Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, c'est-à-dire la pureté. La parole de pureté. On l'appelle aussi Al-Urwatul Wuthqa, c'est-à-dire l'anse la plus solide. On l'appelle aussi Kalimatul Tawhid, hein, c'est-à-dire la parole de l'unicité. Et on l'appelle aussi kalimatu taqwa, c'est-à-dire la parole de piété. Hein, la parole de piété. Et dans le verset 26 dans Surat al-Fath, Allah Azza wa Jalla dit « Wa alzamahum kalimat al-taqwa » Hein, il leur a imposé la parole de piété. Et ils ont été ceux qui ont été plus justes envers elle et qui ont défendu cette parole. Hein. Donc c'est la parole de « La ilaha illallah » que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 19 dans Surat Muhammad, il dit, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, ici, le cheikh explique que ça implique qu'on a besoin de connaître la ilaha illallah et de savoir ce que signifie la ilaha illallah et de comprendre ce qu'indique la ilaha illallah. C'est pas seulement une parole qu'on répète avec la langue et qu'on dit seulement. Non, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie et le mettre en pratique. Et comme le cheikh il dit, si quelqu'un dit la ilaha illallah, hein, il devient musulman. Et il y en a des gens qui pensent que si tu dis la ilaha illallah et que tu continues à adorer des tombes et à adorer des tombeaux et à prier à des morts, que tu es musulman quand même. Et le cheikh il dit non. Si tu adores des tombes et des morts, et tu pries à des tombes, puis que tu dis la ilaha illallah, eh bien, tu n'es pas musulman. Même si tu dis la ilaha illallah, et là, le fait de dire la ilaha illallah ne te servira à rien, puisque tu fais du shirk. Hein? Et donc, si par exemple, quelqu'un yani se convertit à l'islam, et puis, si avant l'islam, il était hindou, hein, ou il était chrétien, ou d'une autre religion, puis qu'il prie, yani, il dit la ilaha illallah, puis après ça, il continue à prier à une croix, ou prier à Jésus, ou prier à des idoles, hein, eh bien, est-ce que ça va le sauver? Est-ce que ça va l'aider? Non, parce que si tu dis la ilaha illallah, ça ne va pas te sauver si tu agis de manière qui est contraire à la ilaha illallah. Et le cheikh, il dit ensuite, وقال الرفاعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأما النذر نعم يعني في شرح المنهاج يعني الرفاعي قال وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك هو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى به أو يستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم لا ينظرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليه عبد صالح وينظرون لبعض القبور وينظرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر يعني يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازة فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذرة لا يقصد بذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظنا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. اي نعم. دونك ici le Cheikh عبد الرحمن بن حسن il mentionne une citation d'un savant parmi les ulama, Cheikh Al-Fawzan, il dit Ar-Rifa'i ou ليس Ar-Rifa'i Ar-Rafi'i هو من فقهاء الشافعية والمنهاج من كتب الشافعية. Donc ça fait partie des livres de fiqh. Et Ar-Rafi'i c'est un des savants parmi les savants du madhhab al-Shafi'i. Et il a écrit un charh d'un livre qui s'appelle Al-Minhaj. Et je pense que Al-Minhaj peut-être, je pense que c'est le livre de l'imam al-Nawawi, si je ne me trompe pas. Wallahu a'lam. Donc ici, le Cheikh, il explique cette citation de, où il mentionne cette parole de l'imam al-Rafi'i ou le Cheikh al-Rafi'i. Et il dit que le nadr qui est fait pour les mashahid. Qu'est-ce que c'est al-mashahid? C'est le pluriel du mot mashhad. Et c'est le terme qui est employé par certaines personnes pour désigner les bâtiments ou les mausolées ou les choses, les constructions qui ont été bâties par-dessus le tombeau des hommes pieux, soi-disant, ou des shuyukh ou des awliya, ou bien on les appelle dans certains pays al-asyad. D'accord? Donc ces lieux-là, il donne à ces lieux-là un terme, vous inventez un terme pour les désigner, il les appelle mashahid, parce qu'ils ne veulent pas les appeler masajid, parce que c'est pas des mosquées, mais ils appellent mashahid, hein, et ils considèrent que ces lieux-là sont des lieux saints, des lieux sacrés, soi-disant certains d'entre eux, et ils vont parfois même faire des pèlerinages à ces endroits-là, Allah al-musta'an. Et donc, il dit, quand il y a une tombe qui a été bâtie à cet endroit-là pour un cheikh ou pour un wali, et qu'ils ont donné à cette tombe le nom de ce wali, et que les gens reviennent constamment à cet endroit-là, parce que le wali lui-même, il venait là-bas pendant, quand il était vivant, et les gens, après sa mort, ont enterré le wali à cet endroit-là, ou bien ils ont construit cet endroit-là à sa mémoire, hein. Il dit que les gens qui vont là-bas pour faire des vœux de piété et des choses de ce genre, il dit en général, ces gens-là, ils font ça pour vénérer le lieu en question, hein. Ils peuvent l'appeler aussi, hein, soit comme on a dit, le mashhad, ils l'appellent aussi az-zawiya. Donc ça, c'est un autre terme qui est employé pour désigner ces lieux-là, que les soufis en particulier fréquentent. Donc ils l'appellent Zawiya. Et le pluriel de Zawiya, c'est Zawaya. Hein? Donc, ils vont dans ces lieux-là et ils vénèrent ces endroits-là dans lesquels un homme pieux a été enterré. Et on a donné à ce lieu-là le nom de cet homme. Et on a construit sur cet endroit-là une mausolée ou une école ou une mosquée ou des choses de ce genre. Donc il dit le cheikh que ce genre de vœu pieux est faux, hein, et nul et vain, et il n'est même pas considéré comme étant valide. Et il dit que ceux qui font des vœux pieux pour ces lieux-là, ils pensent que ces lieux-là ont des particularités, hein, et des caractéristiques spéciales qui font en sorte que ils peuvent être exaucés. Hein? Et donc le cheikh il dit, il pense que si tu vas à cet endroit-là pour faire le vœu, eh bien ça va repousser un mal, ou bien ça va ramener un bienfait ou une grâce. si tu es malade et que tu vas là-bas, tu demandes la guérison, eh bien, ça va te guérir de ce que tu as comme maladie. Et donc, même certains d'entre eux, par exemple, s'il y a des pierres qui sont dans cet endroit-là, ils vont faire des vœux envers cette pierre-là, en pensant que, étant donné que c'est un endroit où se tenait un homme pieux, où c'est un endroit où est enterré un homme pieux. Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, « Hajarun yatabarrakuna bihi » لأنه استند إليه عبد صالح انظر كيف يعمل الشيطان ببني آدم. Il dit, regarde comment le shaitan agit avec les hommes parfois. Ils les font tomber dans l'adoration et la vénération des pierres, hein? Parce que c'est un endroit où la pierre est à l'endroit où l'homme pieux était enterré, soi-disant. Donc la pierre, c'est comme si la pierre avait absorbé une part de la bénédiction soi-disant de cet homme-là, et par conséquent, il pense que la pierre, en la touchant, on obtient une sorte de baraka. Hein? Donc, il cherche la bénédiction de cette pierre. Donc, tu vois comment les gens tombent dans des formes de shirk et de bid'a, avec toutes sortes de croyances. Ça, c'est le shaitan qui les fait tomber dans ces choses-là, Allah musta'an. Et donc, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'ils vont donner ils vont faire des vœux et ils vont faire des offrandes, hein, de certaines choses en échange de ces vœux-là. Par exemple, ils vont faire des donations de chandelles, de la cire ou bien de l'huile pour éclairer les tombeaux ou ces endroits-là. Et ils vont dire aux gens, telle ou telle tombe, elle accepte les vœux pieux. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que si tu vas à cet endroit-là et que tu fais un vœu, ton vœu va être exaucé. En voulant dire, tu vas être guéri de ta maladie, ou si tu avais perdu quelqu'un, tu vas le retrouver, ou si tu avais tu avais peur pour tes biens, eh bien, tes biens vont être protégés, ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est du shirk, hein? C'est tout ce que le cheikh ici il décrit. Tout ça, c'est du shirk. Allah al-musta'an. Il y en a aussi qui utilisent une autre expression. Ils disent "Hadha al-qabr yani tiryaqun mujarrab." Ils vont dire, c'est un endroit où on a fait l'expérience, on a testé, ça fonctionne. Hein? Allah al-musta'an. Donc c'est des exemples comme ça. Ces gens-là, ils vont faire ça. Ils se disent musulmans. Et ils disent « La ilaha illallah ». Tu sais, si c'était des chrétiens, des catholiques ou des hindous ou des bouddhistes, on comprend parce que c'est des mouchriquins. Mais quelqu'un qui dit « La ilaha illallah »,« Muhammad Rasulallah », puis qui va faire ça, ça dépasse l'entendement. Hein? Je me rappelle quand j'étais petit, avec ma mère, avant l'islam, avec ma mère et ma grand-mère, on allait à l'oratoire Saint-Joseph là-bas. Et ils accrochaient des béquilles sur les murs. Et les gens se disent, mais pourquoi ils ont accroché toutes ces béquilles-là? Ils ont dit, soi-disant, c'est que des gens qui sont venus, et ils étaient handicapés, ou ils n'étaient pas capables de marcher, et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été guéris. Alors, ils ont accroché leurs béquilles là-bas, ils sont partis. Ils ont laissé les béquilles. Hein? Alors, les gens, ils vont là-bas pour demander la guérison, pour demander d'être sauvés d'un malheur, ou des choses comme ça. Et si vous allez à d'autres endroits dans les pays chrétiens, c'est la même chose. Il y a des gens, à chaque année, ils vont à une ville en France, le sud de la France, qui s'appelle Lourdes. Et ils vont faire des pèlerinages là-bas. Ils pensent que telle sainte ou telle sainte peut les... Et eux, ils vont se baigner en plus. Ben, c'est comme le Gange, là, en Inde. Hein, les gens qui vont se baigner dans le Gange, ils ont dit que c'est un des endroits les plus pollués, les plus sales au monde. Et les gens, ils s'en vont dans cette eau sale et polluée, puis ils pensent qu'il y a de la bénédiction dedans. En Italie, on fait un blague, quand quelqu'un ne fait pas, il se laisse baigner en l'eau. Après, il revient comme avant, il ne pouvait fermer pas. T'as quoi? Il était fermé, il pouvait fermer. Ah, parce qu'il n'a pas changé. الله المستعان، نسأل الله العافية. وي نعم وي وي. Mais la différence, c'est que eux, ils ont approuvé ça. Le Vatican et l'Église catholique, ils considèrent ça comme étant correct. Oui, ils considèrent que ça, c'est correct de faire ça, de prier à des saints. Et le culte des saints dans la religion catholique, c'est considéré comme quelque chose de valide. Oui, non, c'est ça. L'Église, ils approuvent ça. Tandis que dans l'islam, ça, c'est condamné. Ouais. Heureusement que ce n'est pas la majorité. Mais malgré que ce n'est pas la majorité, ça ne devrait même pas exister. C'est l'ignorance. Mais, c'est-à-dire que les musulmans, ils ont la responsabilité d'enrayer cette ignorance-là et de combattre cette ignorance-là par l'éducation, par l'enseignement, par la propagation du savoir et de la science, et de faire en sorte que l'ignorance soit dissipé et éliminé, mais de pas de fermer les yeux devant l'ignorance, puis de tolérer l'ignorance en disant oui, ça c'est des ignorants, c'est une minorité. Parce que si on dit ça, ah, il y en a beaucoup. Non, on dit des minorités, mais à chaque année, il y a des 3 millions de gens qui vont en Égypte pour faire le pèlerinage autour de la tombe de Al-Badawi. Attends pas. Au Sénégal, il y a des millions qui vont voir la tombe d'Ahmadou Bamba chaque année. Ahmed Tidjane, la même chose, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont Tidjaniens. Eux, ils vont à la tombe à Fass, hein, au nord du Maroc. Ils vont visiter ça. Et il y en a d'autres qui vont ailleurs, dans d'autres pays musulmans, que ce soit en Asie, ou bien au Moyen-Orient, ou bien au Maghreb, ou bien en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Partout, il y en a des affaires comme ça, malheureusement. Voilà, c'est ça. Certains même qui pensent que de faire la visite à un wali ou à un saint a plus de valeur que de faire le hajj de l'islam à Mecca. Hein? Parce qu'en réalité, certains de ces shayatin, al-ins, ils veulent yani, combattre l'islam, hein, en inventant une version nationaliste d'une religion qu'ils appellent islam dans leur pays, qui n'a rien à voir avec la religion de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené. Et puis après, il dit, ah, ça c'est la religion des Arabes, nous on a notre propre religion ici. Ah non, c'est ça. Donc leur religion n'a rien à voir avec l'islam en réalité. Et ensuite, le cheikh, il explique et il dit que ce genre de vœux pieux que les gens font, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est totalement faux et totalement nul. Et que le fait de faire des vœux, de donner de l'huile, hein, ou de la cire ou des bougies pour les tombes, ça aussi, c'est totalement nul. Hein, c'est vain et c'est faux. Et il y en a qui offrent ça aussi, même pour la tombe d'Ibrahim al-Khalil. J'ai écouté une fois une vidéo, il y a un rabbin qui parlait. Et il expliquait que pourquoi les chrétiens, les juifs n'ont pas le droit de rentrer, d'aller prier chez les chrétiens. Mais il dit, mais par contre, vous pouvez rentrer chez les musulmans pour prier dans les mosquées parce qu'eux, ils prient à personne d'autre que Allah. Et il dit même je ne sais pas où, en Palestine ou quelque part comme ça, ils disent, on a la tombe d'Ibrahim là-bas. Et il dit, les musulmans et les juifs, ensemble, ils vont prier. Alors que ça, c'est du shirk qui en est de prier dans les tombes. Hein? Ou c'est des bid'a. Donc, tu ne peux pas aller dans ces lieux-là pour faire ça. Et même si eux, les juifs, ils le font, nous, les musulmans, on n'a pas le droit. Hein? Donc, il y en a qui vont offrir comme le cheikh, il explique ici, il donne de la cire ou des bougies ou de l'huile pour les lampes, pour ces lieux-là. Et il dit ça, c'est des choses qui sont incorrectes. Il dit, il dit, que ce soit la tombe d'Ibrahim alayhi salam ou de n'importe quel autre parmi les prophètes, ou parmi les hommes pieux. فَإِنَّ النَّاذِرَ لَا يَقْصُدْ بِذَلِكَ الْإِيقَادَ عَلَى الْقَبْرِ إِلَّا تَبَرُّكًا وَتَعْظِيمًا. Celui qui fait le vœu de donner ce genre de choses, comme les bougies ou la cire ou des choses comme ça, ou l'huile, ou les lampes, il dit tout ça c'est non pas dans le but d'éclairer ces endroits-là seulement, mais en plus de chercher la bénédiction et pour vénérer les personnes qui sont enterrées dans ces endroits-là. En pensant que ça, c'est une manière de se rapprocher d'eux ou d'Allah. Je ne sais pas s'il veut dire de se rapprocher d'Allah. Si c'est en pensant qu'il se rapproche d'Allah, Allah Musta'an. C'est grave. Ça rentre dans la bid'ah à ce moment-là. Et le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que ça, c'est totalement faux. Et que ce genre de choses, c'est haram. Peu importe que la personne en profite ou non. Et il cite ensuite une autre parole, il dit, la parole d'un autre parmi les fuqaha, « قال قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة أو سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنظور له ميت والميت لا يملك شيئا ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى دون الله تعالى واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها ينقل إلى الضرائح إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. Hey, سبحان الله. Cette description là elle est vraiment claire, hein? Donc, c'est un cheikh ici qui s'appelle Qasim al-Hanafi. Donc, le cheikh Abdurrahman ibn Qasim, il le cite dans son charh d'un livre de fiqh du madhab Hanafi qui s'appelle Durar al-Bihar. Et il dit dedans, le nazr que font les gens du commun parmi les musulmans à des endroits où il y a des tombes et des morts qui sont enterrés là-bas ou des saints que les gens vénèrent, il dit, ils pensent que parce qu'ils ont une personne qu'ils ont perdue ou une personne qu'ils ont qui est malade et qu'ils ont un besoin quelconque, alors ils vont aller voir certains de ces hommes pieux et ils vont mettre quelque chose sur leur tête. Et quand ils arrivent devant la tombe, il dit, Ya Sidi Fulan, il dit son nom, si Allah il me rend ce que j'ai perdu, la personne que j'ai perdue, ou si tu remplis mon besoin, ou si tu fais ce que j'ai de besoin, yani, je vais te donner telle somme d'argent, en or, ou en argent, ou en nourriture, ou en eau, ou bien en cire, ou en huile. Et le cheikh, il dit, ce genre de vœux pieux, c'est totalement faux, et vain, et ça, il dit, c'est selon le consensus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Et il dit, la raison pourquoi c'est faux, c'est de plusieurs points de vue. Le premier, il dit que cette personne qui est morte dans cette tombe, c'est une créature d'Allah. Et de faire un vœu pieux pour une créature, ce n'est pas permis parce que c'est une adoration. Et l'adoration ne peut pas être offerte à une créature, seulement au créateur. Et parmi les points de vue aussi, parmi les éléments qui prouvent que ça c'est batil, il y a le fait que tu as offert ce vœu-là pour un mort. Et le mort, il ne détient rien. C'est-à-dire, il ne peut rien faire, ni pour lui-même, ni pour quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi tu lui demandes? Il dit, troisièmement, tu penses que cette personne qui est morte, elle peut contrôler quelque chose en dehors d'Allah. Et de croire ça, c'est du kufr. De croire que le mort, il peut contrôler quelque chose en dehors d'Allah, c'est du shirk, c'est du kufr. Et il mentionne ensuite que, il dit, si tu sais qu'est-ce qu'on a mentionné maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné, donc tout ce qui est pris de leur part, de la part de ceux qui s'occupent de ces tombeaux-là, comme argent, ou comme cire, ou comme huile, ou autre chose de ce genre, qui a été offert à la tombe de ces hommes pieux, pour se rapprocher d'eux, tout ça c'est haram selon le consensus des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici à ce sujet-là. Il dit « Arada Cheikh Rahimahullah an yanqul kalam ahli al-ilm min al-madhahib al-arba'a ala tahrim al-nadhri li ghayrillah. Fadhakara kalam al-rafi'i fima sabak wa huwa min al-shafi'iyya. وذكر هنا كلام الشيخ قاسم الحنفي من الحنفية بأن من نذر للأضرحة فإن نذره حرام لأنه نذر معصية ولأن النذر عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل فمن فعل العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر وأيضا هذا النذر حتى ولو كان لحي فإنه لا يجوز لأنه فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء مريض أو إعطاء الولد وغير ذلك وهذا لا يقدر عليه إلا الله ولا يقدر عليه لا الأحياء ولا الأموات فكيف إذا كان النذر لميت والأموات لا يجوز أن يرتجى منهم شيء لأنهم ليس عندهم قدرة على إجابة من دعاهم كما قال الله سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم المجيب ميت قد انتقل من هذه الدنيا وصار في دار الآخرة فلا يسمع من دعاه ولا من طلب منه شيئا ولو سمعه ما قدر أن يجيبه لأنه ميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فهذا نذر معصية أيضا المال الذي يؤخذ بموجب هذا النذر حرام لأنه نذر في معصية فما نتج عنه فإنه حرام فالنذور التي تنذر للقبور وللأضرحة كلها من هذا الباب. Donc on va terminer avec ce passage-là. Le cheikh, ici, il explique. Le cheikh Fawzan, il dit, le cheikh, il a voulu mentionner ici les paroles des savants des quatre madahib au sujet du nadr et que c'est interdit de faire des vœux pieux pour autre que Allah. Il a commencé avec la parole de Al-Rafi'i, qui est un cheikh parmi les ulama du madhhab al-Shafi'i. Et ensuite, il a cité ici cette parole du cheikh Qasim al-Hanafi, parmi les ulama du madhhab al-Hanafi, qui mentionne que le fait de faire un vœu pour les tombes, que ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Parce que c'est un nadr qui est une désobéissance. Et la raison pourquoi c'est interdit, c'est parce que le nadr, à la base, c'est une adoration. Et l'adoration, il n'est pas permis de l'offrir à autre que Allah. Donc celui qui fait une adoration pour autre que Allah, il a commis un shirk, il a fait du shirk. Et c'est un shirk qui est majeur. Et également, le fait que la personne, elle fait ce vœu pieux, il dit même si c'était pour un être vivant, eh bien, si ce qu'il demande, c'est quelque chose qui fait partie de ce que seul Allah est capable de faire, comme de guérir le malade ou de donner un enfant ou des choses de ce genre, eh bien, à ce moment-là, même de le demander à quelqu'un de vivant, c'est du shirk parce que ça fait partie de ce que seul Allah est capable de faire. Donc cela, même ni les vivants ni les morts ne peuvent le faire, donc tu ne peux pas le demander à un vivant et encore moins à un mort. Parce que les morts, on ne peut rien espérer d'eux. Hein? Ils sont dans, yani, ils sont dans le barzakh. Et ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se passe dans ce bas monde. Et ils n'ont aucun pouvoir de nous exaucer. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 14, dans Surat Fatir, si tu les appelles, ou si tu leur demandes, ils ne peuvent pas vous entendre. Et il dit, ils n'entendent pas vos appels. Et même s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas vous exaucer. Ils ne pourraient pas vous répondre. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Si vous les appelez, ils ne vous entendent pas. Et même s'ils vous entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. Et donc, la personne, elle est morte, elle a quitté ce bas monde, elle est dans l'au-delà maintenant, alors elle ne vous entend pas quand vous lui demandez. Et même si elle pouvait entendre ce que vous lui demandez, elle ne pourrait pas vous répondre parce qu'elle est morte. Et il dit, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Et personne ne peut vous informer mieux que celui qui sait, hein, et qui est parfaitement informé, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Donc ce genre de vœu pieux, c'est un vœu qui est ma'siyah, c'est un péché. Et l'argent qui est donné ou qui est pris, hein, lorsque ce vœu-là a été fait, c'est de l'argent haram. Parce que le vœu pieux en question que la personne a fait et qu'il a donné en retour cet argent-là ou cette donation-là, eh bien c'est de l'argent haram. Donc tout ce qui en découle est haram aussi. Et donc les vœux pieux qui sont faits pour les tombes et pour les sanctuaires de ce genre, tout ça, ça rentre là-dedans. Allah al-musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah. La suite de ce chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.